Il de Patrick Penaud, pendant ce temps-là, rendez-vous avec X, trouvez mieux Christophe. Les histoires de trésors font toujours rêver, ils font aussi mourir, et peut-être même lorsqu'ils n'existent pas. Telle pourrait être la leçon à tirer d'une mystérieuse affaire qui n'a jamais été résolue ou qu'on n'a jamais voulu résoudre. L'homme s'appelait Raymond Gorel, mais son nom de code était Cimeterre. Gorel était ce qu'il était convenu d'appeler le trésorier de l'OAS, le grand argentier de l'organisation terroriste. Un jour de décembre 1968, il a disparu et personne ne l'a jamais revu. Gorel, c'est encore aujourd'hui la version la plus souvent admise, a été enlevé et tué par des gens qui voulaient s'approprier ce qu'il restait du trésor de guerre de l'OAS, s'il restait quelque chose. Et ce n'est pas le moindre des mystères de cette affaire. Monsieur X m'a affirmé avoir des lumières sur cette disparition. Pourquoi ? Parce que les services, comme il dit, ont été fréquemment impliqués dans les événements d'Algérie, impliqués et déchirés. Au SDEC, par exemple, il est notoire qu'un certain nombre d'officiers avaient le cœur qui penchait pour l'Algérie française, et certains n'ont pas hésité à apporter leur aide aux activistes d'Alger. D'autres services, DST et renseignements généraux, ont au contraire joué un rôle actif dans la lutte contre les clandestins de l'OAS. Et Monsieur X, dans quel camp se trouvait-il ? Je sais qu'il répugne à parler de ses propres activités et encore plus de ses opinions, mais j'ai cru comprendre à plusieurs reprises qu'il avait à l'époque franchement choisi le camp de la légalité et donc de la démocratie. Dans un instant, les révélations de Monsieur X sur le mystère Gorel. France Inter, Patrick Penaud, rendez-vous avec X. Quelques précisions d'abord. Qui était Raymond Gorel ? C'était un militaire, un officier supérieur versé dans l'intendance. Intendance. C'est pour cette raison qu'il est devenu trésorier de l'OAS ? Vraisemblablement, oui. Gorel était d'origine bretonne, mais il était né à Batna, en Algérie. Et il se considérait de fait comme un authentique pied-noir. Est-ce qu'il a tout de suite rejoint les rangs de l'OAS ? Assez rapidement, oui. Comme les autres, après l'échec du putsch des généraux. On l'a donc chargé de gérer les finances de l'organisation. D'où venait l'argent ? Il y a eu bien sûr des donateurs plus ou moins généreux, des industriels, des particuliers. Mais la plus grosse partie du trésor de guerre de l'OAS a été constituée par des opérations de braquage. Des braquages de banques. On a dit par exemple qu'à la banque d'Algérie d'Oran, les types de l'OAS ont raflé presque 20 millions de francs. Un joli pactole pour l'époque. Et c'est donc Gorel qui gérait cet argent. Et qui le redistribuait en fonction des besoins. Achat d'armes, voyage, entretien des clandestins, etc. De sa seule autorité ? Bien évidemment, non. C'était Salan, le patron. Et il devait approuver ses engagements financiers. Mais après l'indépendance de l'Algérie, donc en juillet 62, qu'est devenu Gorel ? Il est parti en métropole. Toujours clandestin ? Naturellement. Et il continue à financer les hommes de l'OAS qui ont décidé de poursuivre le combat contre De Gaulle. Mais qui sont alors disséminés. Oui, oui, certains sont en France, mais la plupart sont à l'étranger. En Espagne, en Italie, en Allemagne, en Belgique. Mais en octobre 1962, Gorel se fait pincer à Marseille sur un yacht qui lui servait de quartier général. Pourquoi a-t-il été arrêté ? Il était recherché, bien sûr. Les services de police savaient exactement quelles étaient ses fonctions au sein du mouvement clandestin. Mais s'il a été arrêté, je peux vous le dire, c'est qu'il a été donné. Qui ? Un type qui jouait le double jeu. Ça ne lui a d'ailleurs pas porté chance parce que peu de temps après, il a été assassiné. Vengeance de l'OS ? Je n'en sais rien. Par contre, ce que je sais, c'est que cet individu, avant de dénoncer Gorel, l'a volé. Il l'a volé, il lui a dérobé une partie du trésor de l'OS ? Oui, à l'occasion d'un transfert de fonds en Espagne. Bon. Alors, Gorel est arrêté à Marseille, emprisonné ? Oui, et il va être condamné à 12 ans de réclusion. Et le trésor ? Alors là, c'est le plus grand mystère. Tout naturellement, on a pensé qu'en bon gestionnaire, Gorel avait ouvert des comptes en Suisse. Mais sans aucune certitude, j'ajoute, et ça me paraît vraisemblable, qu'une partie notable de cet argent a servi à venir en aide aux militants de l'OAS emprisonnés et à leurs familles. Gorel ne devait pas être le seul à posséder la signature. Et les fonds ont été répartis entre les différents groupes. Des groupes souvent rivaux. Oui. Dès la fin de la guerre d'Algérie, l'unité de façade de l'OAS a volé en éclats. Certains ont décidé de continuer le combat D'autres ont voulu oublier. Quelques-uns ont même choisi le gangstérisme, et puis il y avait des rivalités, des haines. En fait, on ne sait donc pas combien il y avait d'argent et où il était dissimulé. C'est la vérité. Je veux même vous dire mon sentiment. À mon avis, il ne devait plus rester grand-chose. Ça coûte très cher, la clandestinité. Il y avait des centaines de types dans la nature. Alors, que savait Gorel au sujet de cet argent? En tant que trésorier, il devait savoir qui avait reçu quoi, jusqu'au moment de son arrestation, parce qu'après, il a été hors course. Mais j'imagine que, comme les autres, Gorel a dû bénéficier assez vite d'une mesure de grâce. Oui, dès 1966. Et là, que fait-il à sa libération? Il abandonne toute activité politique et mène une vie tranquille avec sa femme et ses enfants. Grâce à ses relations, il a trouvé une place de cadre dans une entreprise de transport. Mais le passé ne vous lâche jamais tout à fait. Mais que voulez-vous dire? Un jour de 1967, deux hommes se présentent chez Gorel. Qui? Parmi eux, il y a un homme qui a joué un rôle éminent dans l'Ouest, Jean-Jacques Susini. Ah, celui qu'on a appelé le petit César. Et qui est aujourd'hui le représentant personnel de Jean-Marie Le Pen à Marseille. Ah bon, on ne se refait pas. Et comme vous dites. Mais attardons-nous un peu sur le personnage. Au moment de la guerre d'Algérie, il est étudiant en médecine. C'est un agitateur né, un doctrinaire et un bon orateur. Un doctrinaire de droite. D'extrême droite, vous voulez dire. En tout cas, très vite, et en tant que président de l'Association des étudiants d'Alger, il s'impose. Et qu'en est l'OS, il en est, bien sûr. Il va même devenir l'un de ses chefs. Mais lui, c'est un politique. Et les autres, ma foi, ce sont essentiellement des militaires. Vous voulez dire que la tête, c'était réellement Susini? Oui, cet intellectuel s'est rapidement imposé. Mais je crois me souvenir que, pour se faire une place, face aux militaires qui dirigeaient l'organisation, il a créé ses propres commandos. C'est exact. Les commandos Z. Susini n'avait pas d'état d'âme. Il menait un combat révolutionnaire et tous les moyens étaient bons. Et vous savez combien ces derniers mois de l'Algérie française ont été sanglants. C'était la politique de la terre brûlée. Et des assassinats aveugles. Il y en a eu des centaines et des centaines. Des musulmans abattus comme ça, sans raison. Mais des Européens aussi. Et parfois même appartenant à l'organisation. Car il y a eu aussi des règlements de compte au sein de l'OAS. Mais la violence n'a jamais fait peur à Susini. J'interromps un instant la diffusion de cet entretien. Quand M. X parle de règlement de compte au sein de l'OAS, c'est vrai. Deux de ses membres, Michel Leroy et René Villard, ont été assassinés parce que les chefs de l'organisation, y compris Salan et Susini, les ont accusés de vouloir négocier une partition de l'Algérie avec le pouvoir gaulliste. Mais Jean-Jacques Susini lui-même a pris l'initiative d'une curieuse négociation en juin 1962, alors que l'Algérie française vit ses derniers jours. Il prend secrètement contact avec le FLN. Et le dirigeant de l'OS parvient à signer un accord avec les indépendantistes algériens. Un accord de paix afin d'obtenir des garanties pour les Européens qui resteront en Algérie après l'indépendance. Le 17 juin, il l'annonce au cours d'une émission radio pirate. Immédiatement, dans les rangs OAS, c'est la stupeur. Comment Susini a-t-il pu négocier avec ses pires ennemis, les Fellaghas? Georges Bidault, qui vient de créer avec Soustelle, Sergent et Argou un Conseil national de la résistance, dénonce aussitôt ces accords. Et la politique de la terre brûlée continue, tandis que les pieds noirs fuient par centaines de milliers, ruinant les derniers espoirs de Susini. Cet épisode laissera des traces. Pour beaucoup, Susini a trahi. Jean-Jacques Susini fuit parmi les derniers. Et il emporte avec lui les archives de l'organisation. Où part-il? En Italie. Et lui aussi continue le combat? Bien entendu. Tout en écrivant une histoire de l'OAS, il participe à l'élaboration de plusieurs actions clandestines. On a dit par exemple que c'est lui qui serait à l'initiative de l'attentat manqué contre le général de Gaulle à Toulon. Et l'attentat du Montfaron. Oui, le dernier attentat connu contre le général. Entre-temps, par deux fois, Susini a été condamné à mort par contumace. Et il ne revient officiellement en France qu'après l'amnistie de 68. Une amnistie que les activistes devront paradoxalement au trublion de mai 68. Mais c'est une autre histoire. Ouais. Mais quand vous dites qu'il revient officiellement... Oui, parce que Susini n'a pas attendu l'amnistie et qu'il est revenu en France clandestinement bien avant. La preuve, c'est qu'en 1967, il se présente chez Raymond Gorel, le trésorier de l'OAS. Ouais. Mais vous m'avez dit qu'il était accompagné. C'est juste. L'autre, c'est peut-être Hubert Bassot, un ancien de l'OAS qui deviendra plus tard député, organisera la campagne électorale de Giscard d'Estaing en 1974 et deviendra l'un de ses conseillers à l'Élysée. Mais on en reparlera. D'accord. Alors, en 67, là, que veulent ces deux hommes en allant chez Gorel? L'hypothèse qui vient tout de suite à l'esprit, c'est qu'ils viennent demander des comptes. C'est-à-dire qu'ils veulent savoir ce qu'est devenu le trésor de l'OAS? Exactement, mais je n'étais pas sous la table. Donc vous ne savez pas? Non. Mais d'après la famille de Raymond Gorel, ça ne se passe pas trop bien. Et sa femme entend même des bruits de dispute. Gorel crie : Non, Susini, il n'en est pas question, il n'en sera jamais question. Et les deux hommes partent. Mais quelques mois plus tard, Raymond Gorel va faire l'objet d'une tentative d'enlèvement. Dans le journal Le Monde du 10 octobre 1972, James Sarrazin donne d'intéressantes précisions sur le fameux trésor de l'OAS. Je le cite. Aux policiers qui l'arrêtèrent à Marseille le 11 octobre 1962, Gorel aurait avoué gérer des fonds de l'ordre de 10 millions de francs. Intendant en militaire de deuxième classe, ce soldat de carrière revenu sur sa terre natale en 1959 paraissait tout désigné lorsqu'il entra dans l'OAS en octobre 1961, après s'être fait mettre en congé spécial de l'armée pour être le ministre des Finances de l'organisation subversive. Les fonds provenaient d'opérations contre les établissements financiers. Le hold-up de la Banque de France d'Oran fut l'opération la plus spectaculaire, mais aussi de divers milieux européens, voire de la métropole. L'indépendance de l'Algérie rendit nécessaire la mise en lieu sûr du trésor. Afin de limiter les risques d'interception, il fut partagé entre plusieurs groupes d'activistes. Le regroupement des fonds était prévu dans un second temps, mais il n'eut jamais lieu. Les groupes, dispersés à travers l'Europe, bientôt travaillés par de sourdes rivalités, ne purent se rejoindre ou ne le voulurent pas, et Gorel demeura, semble-t-il, le seul à pouvoir réunir les pièces du puzzle. En 1964, Susini demanda à ceux qui détenaient des fonds recueillis en Algérie de les mettre à la disposition des exilés se trouvant dans le besoin. Selon ses propres déclarations, tous les membres de l'état-major de l'OAS lui remirent l'argent qu'il détenait, sauf Gorel, qui était d'ailleurs emprisonné à l'époque. Depuis, personne, semble-t-il, ne serait venu réclamer d'argent à Gorel. Plus loin, le journaliste écrit : Certains milieux activistes ont accusé Susini de s'être fait remettre en avril 1962 330 000 francs par Raymond Gorel. Par la suite, certains anciens de l'OAS accusèrent ce dernier d'avoir disposé de l'argent à son seul profit, ce que le trésorier a toujours nié. En revanche, la branche de l'OAS, inspirée par le colonel Garde, reprocha longtemps à Susini de n'avoir jamais justifié l'usage de certains fonds qu'il avait emportés en quittant l'Algérie. Quelle somme demeurait en possession de Gorel ? 2 millions, selon certains, davantage, selon d'autres. On dit que Gorel avait sagement, comme à l'époque algérienne, investi ses capitaux dans l'industrie. Mais était-il le seul à connaître la liste des placements ? Ne dit-on pas qu'un service secret étranger serait en possession de cette liste ? Comment s'est passée cette première tentative d'enlèvement ? C'était en début de soirée. Raymond Gorel sortait du métro et rentrait chez lui à pied dans la banlieue parisienne lorsque trois hommes se sont précipités sur lui. Ils ont essayé de l'entraîner dans une voiture, mais Gorel était costaud, il a résisté, il s'en est tiré avec une projection sur le visage d'un liquide corrosif. Est-ce que c'était une vraie tentative d'enlèvement ou une sorte d'avertissement ? Non, je crois qu'on a véritablement voulu kidnapper l'ancien trésorier de l'OAS. Pour le faire parler ? Ça me semble évident. Est-ce que Gorel a porté plainte ? Naturellement, mais l'enquête n'a jamais abouti. Et j'imagine qu'à partir de ce moment-là, il a dû se méfier. Bien sûr, mais on ne peut pas vivre en permanence sur le qui-vive, et puis les mois ont passé sans que les ravisseurs ne donnent signe de vie. Donc Gorel a fini par reprendre confiance. Oui, mais plus d'un an après la tentative d'enlèvement, Raymond Gorel disparaît. C'était le 20 décembre 1968. Il disparaît, c'est-à-dire ? Bien, ce jour-là, comme tous les jours, il quitte son domicile pour aller travailler de l'autre côté de Paris. Il monte dans son auto et il s'évanouit dans la nature. La police retrouvera sa voiture 2 jours plus tard, près du boulevard périphérique. Est-ce qu'on a pensé tout de suite à un enlèvement ? Oui. Après la première tentative dont il avait fait l'objet, c'était clair. Mais malgré tout, est-ce qu'on sait vraiment comment s'est passé cet enlèvement ? À peu près, oui. Parce que les enquêteurs ont retrouvé les témoins. Parce qu'il y a eu des témoins ? Oui, voilà ce qu'ils ont vu. Les ravisseurs ne lui ont laissé aucune chance. Dans une rue étroite située à côté du domicile de Gorel, une rue qu'il devait obligatoirement emprunter, les hommes du commando ont arrêté une fourgonnette au milieu de la chaussée. Et Gorel a donc été coincé ? Oui, il était obligé de s'arrêter. Aussitôt, des ravisseurs sont sortis de la fourgonnette, tandis que d'autres, dissimulés dans une voiture stationnée derrière, sont arrivés à la rescousse. Gorel ne pouvait rien faire. Les types l'ont sorti de son auto et l'ont embarqué dans la fourgonnette, tandis qu'un des ravisseurs s'était mis au volant de sa voiture. Une opération de commando très très bien préparée. Oui, ça n'a duré que quelques secondes, et les lieux, l'horaire, avaient été minutieusement étudiés. Les soupçons se sont portés très vite sur les anciens membres de l'OAS, j'imagine. D'autant que la famille de Gorel a donné des informations précises sur la visite qui lui avait été faite en 1967. Mais dans toute affaire criminelle, il faut des preuves, et là, il n'y en avait pas. Ouais. Mais les anciens de l'OAS ont quand même été interrogés. Bien entendu, à commencer par Susini, qui est interpellé, gardé à vue, puis remis en liberté. Donc ça ne donne rien. Rien, rien du tout. Et les mois passent. Madame Gorel s'est portée partie civile. Elle est sûre que son mari a été tué par ses ravisseurs. Mais l'enquête de la police judiciaire n'avance pas, jusqu'en 1972. Je voudrais faire une parenthèse. Vous l'avez compris, pour les Gorel, Jean-Jacques Susini est le chef des ravisseurs. Et plus tard, il sera inculpé, puis blanchi. Nous verrons dans quelles conditions. Toutefois, en mars 1970, Susini est arrêté. Mais il s'agit de tout autre chose que de l'enlèvement du trésorier de l'OAS. Depuis quelque temps, les policiers marseillais assistaient, impuissants, à la multiplication de hold-up audacieuses et très bien organisées, d'une façon quasi militaire. Or, d'après leurs informateurs, ces gangsters n'appartenaient pas au milieu ordinaire. En mars 1970, ils parviennent enfin à démanteler le gang. Surprise. Ces hommes sont pour la plupart des anciens de l'OAS, des soldats perdus, comme on disait à l'époque. Et très vite, les policiers soupçonnent Jean-Jacques Susini d'être la tête pensante du gang. Il est donc lui aussi arrêté. Mais un an et demi plus tard, il est remis en liberté. Et en 1974, la cour d'assises des Bouches-du-Rhône l'acquittera. Mais à cause de cette affaire, une partie de la vérité sur le dossier Gorel va se faire jour. Retrouvons M. X qui disait qu'en 1972, un élément nouveau allait survenir. Que se passe-t-il, donc, cette année-là ? Un ex-adjudant-chef des parachutistes coloniaux se morfond en prison. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il est accusé d'avoir participé à plusieurs hold-up en compagnie d'anciens OAS, dont certains, curieusement, ont déjà été libérés. Pourquoi curieusement libérés ? Eh bien, sans entrer dans le détail, je peux vous dire que des rapprochements politiques s'étaient opérés. Dans des rapprochements, là, vous ne pouvez pas être un peu plus précis, quand même ? Mais 1968 avait été un sacré choc pour la droite. Et même si le général avait repris les choses en main, il restait des traces de la grande frousse. La peur des gauchistes demeurait. Et on a vu éclore des officines plus ou moins clandestines destinées à conjurer un éventuel danger de gauche. Ouais, le sac. Par exemple. Mais il fallait des troupes. Alors on s'est réconcilié avec l'ennemi d'hier. C'est-à-dire les anciens de l'OAS. Bien sûr. Et en contrepartie, on a fermé les yeux sur les écarts que pouvaient commettre ces types-là. Et j'étais assez clair. Bah, oui, je crois. Alors revenons à cet ancien sous-officier emprisonné. Comme il ne veut pas porter le chapeau tout seul et comme il veut aussi assurer son avenir, il se livre à une sorte de chantage. Quel chantage ? Dans des lettres qu'il envoie à des amis qui ont appartenu comme lui à l'OS, il laisse entendre qu'il sait exactement ce qui est arrivé à Raymond Gorel. Et il demande de l'argent. À qui ? À Jean-Jacques Susini, par exemple. Ouais, c'est une véritable dénonciation parce que il sait très bien que son courrier sera lu par le juge d'instruction. Tout à fait, mais ce type-là n'est quand même pas complètement fou. Il prend des précautions. Il masque les noms, les lieux, etc. Il n'empêche que la justice ne peut que s'intéresser à lui. Oui, et cet ex-sous-officier va parler. D'autant plus facilement qu'on n'a pas répondu favorablement à son chantage. Il raconte donc comment s'est passé exactement l'enlèvement de Gorel. Naturellement, puisqu'il affirme avoir fait partie du commando. Est-ce qu'il donne des noms ? Oui, tous des anciens de l'OAS. Et le chef ? Jean-Jacques Susini, bien sûr. Il aurait préparé l'action, mais n'y aurait pas participé. Toutefois, d'autres membres présumés du commando arrêtés après ces révélations ne mettront pas en cause l'ancien dirigeant de l'OS. Mmh. Et selon cet adjudant là, qui se confesse, là, qu'est devenu Gorel ? Il aurait été conduit dans un garage désaffecté, interrogé, torturé, et il serait mort par accident. Par accident ? Oui. Parmi ces anciens de l'OS, il y avait d'incontestables spécialistes des interrogatoires musclés. Ils avaient eu le temps de se faire la main en Algérie, n'est-ce pas ? Alors avec Gorel, ils y étaient peut-être allés un peu fort. Et ensuite ? Le corps aurait été coulé dans une plaque de béton et immergé en Méditerranée. Donc après ces aveux, là, il y a ces confidences, il y a des arrestations ? Oui, et très vite, la police judiciaire a le sentiment qu'elle approche de la vérité. En recoupant les déclarations des uns et des autres, les policiers ont la quasi-certitude d'avoir mis la main sur les véritables ravisseurs du trésorier de l'OAS. Y compris Susini ? Y compris Susini, oui. Il est arrêté, lui aussi est bientôt inculpé. Mais cet homme-là a des ressources, il va bientôt le prouver. Derrière la disparition de Raymond Gorel, il existe aussi une lutte féroce entre diverses tendances de l'ex-OAS. Dans son livre paru chez Fayard sur l'histoire de l'OAS, l'écrivain et journaliste Rémi Koffer est très précis. Il raconte. L'épouse de Gorel a porté des accusations contre Jean-Jacques Susini et contre Hubert Basso. L'AADEP, il s'agit d'une association de rapatriés et d'anciens détenus proches des amis de Susini, le déplore avec violence et laisse entendre qu'une nouvelle fois, le clan des hauts gradés de l'ex-OAS fait bloc contre celui des plébéiens. Reprise à retardement d'une tension toujours latente au sein de l'OAS entre militaires et civils pieds-noirs. Selon les uns, les cadres de l'ADIMAD, une autre association moins politisée, le trésor de l'OAS n'est qu'une vue de l'esprit, un fantasme. Gorel a rendu des comptes en règle et obtenu le quitus de Salan. D'autres précisent, s'il n'est rien resté des fonds de l'organisation, c'est que beaucoup d'argent a été dilapidé pendant la captivité de Gorel. Le grand argentier de l'OAS a remis son capital à un industriel royaliste, ami du colonel Dufour, avant d'être arrêté. Mauvais homme d'affaires, le gérant intérimaire du trésor de guerre aurait perdu 300 millions en mauvais placement. Le reste, une centaine de millions, aurait alors été dépensé pour permettre à certains activistes métropolitains de reprendre pied à leur sortie de prison. Faux, réplique-t-on en face. Il reste au contraire des fonds très importants. Mais Gorel, les colonels et les généraux de l'OAS ont décidé que seules les hautes sphères de l'organisation en profiteraient. L'ex-trésorier n'a-t-il pas déclaré avec hauteur à l'un de ses compagnons de la santé « Cet argent n'est pas pour les fantassins de l'OAS ». C'est cela qui est inconcevable. L'argent doit intégralement revenir aux rapatriés et surtout à ceux qui veulent continuer l'œuvre militante de l'OAS. Il n'est pas fait pour rester au fond des poches de gens qui ne font plus rien. La polémique est donc vive entre les deux factions. Elle jette un éclairage plus cru sur cette affaire Gorel. Susini est donc en prison. Oui, mais j'imagine qu'il nie les accusations dont il fait l'objet. Naturellement, un an plus tard, coup de théâtre, deux journalistes de François recueillent la confession au Portugal d'un certain Vigneault, qu'on appelle aussi Petit Jim. Qui est celui-là? C'est un ancien membre des commandos Delta. Les tueurs de l'OAS. Oui, oui, il a été très proche de Susini, dont il a été même le garde du corps. Et toujours lui. Oui, toujours lui. Petit Jim a vécu un temps en exil, après 1962, puis en 1964, à l'occasion de l'opération Réconciliation, vous vous souvenez? Bien sûr, il s'agissait de faire revenir les anciens de l'OAS en leur promettant l'impunité s'ils renonçaient à abattre le général. Tout à fait. Donc, à cette occasion, Petit Jim sympathise avec un policier de la DST. Michel Barouin, peut-être? On peut le supposer. Et voilà Vigneault, dit Petit Jim, qui entre à la DST. Mais il commet quelques erreurs, rappelons ça comme ça. Il doit démissionner. Ensuite, il s'occupe de boîtes de nuit où il accueille ses anciens amis de l'OAS. Il n'a pas de gardé de contact avec la DST? Vous voulez dire, est-ce qu'il ne continuait pas à rendre des services? Bah oui. C'est très possible. Un tuyau par-ci, un tuyau par-là. Mais enfin, c'est pas l'essentiel. En décembre 1968, Petit Jim est embarqué dans l'affaire de l'enlèvement de Gorel. Et pire, c'est lui qui va tuer le trésorier de l'OAS. Et dans quelles conditions? Petit Jim le raconte par le détail à vos deux confrères de François. Si ça vous intéresse, vous pouvez toujours vous reporter à ce récit. Oui, mais enfin, résumé quand même. Eh bien, selon Petit Jim, Gorel a été conduit par ses ravisseurs dans un local désaffecté du 2e arrondissement. Là, l'ancien trésorier dit à peu près « Dieu vous pardonne ce que vous allez faire, mais vous n'obtiendrez rien de moi ». On le déshabille, on le ligote sur une chaise. Gorel ne bronche pas. Pendant 4 heures, il est interrogé, torturé, mais il refuse toujours de parler. Ce qu'on veut lui faire dire, c'est où se trouve le trésor. D'après Petit Jim, oui. Oui. D'après Petit Jim, avez-vous dit, vous avez un doute, hein? Sérieux, oui, mais poursuivant. Au bout de 4 heures, donc, Petit Jim, comme pris de folie, bondit sur Gorel, passe ses mains autour de son cou, hurle, vas-tu enfin parler? Mais comme sa victime ne dit toujours rien, Petit Jim serre, et finit par tuer Raymond Gorel. Est-ce que ce récit vous paraît crédible? Il y a certainement des détails qui sont exacts. Pour le reste. Et le corps Petit Jim et deux de ses amis, je crois, l'auraient placé dans un coffre de voiture. Puis après pas mal d'aventures, ils auraient filé vers la Côte d'Azur et là, ils auraient effectivement coulé le corps dans un fût de béton. Et ensuite dans la mer. Oui. En tout cas, ça correspond à peu près aux déclarations de l'ancien adjudant. Exactement, ce qui me fait dire qu'il y a dans ce récit un fond de vérité. Même si je suis persuadé que Petit Jim a arrangé quelques détails. À lesquels en particulier? Il ne donne par exemple aucune indication sur l'identité des hommes qui faisaient partie du commando. Donc lui, il ne parle pas de Susini? Non. Une toute petite précision. D'après un auteur dont il faut parfois considérer les informations avec prudence, je veux parler de Patrice Chéreuf, auteur de dossier B comme Barbouze. L'article de François aurait été revu avec beaucoup de soin avant sa publication. Il importait en effet de ne pas mentionner de nom et d'éviter à ceux qui étaient déjà inculpés une condamnation. Qui aurait effectué cette révision? Chéreuf parle des hommes de Focard. Mais, je vous l'ai dit, il convient d'être prudent avec cet auteur. Et qu'est-il advenu de petit Jim ? Il a prématurément quitté cette terre. Que lui est-il arrivé ? D'après certains, il est mort d'une overdose. Mais d'autres prétendent qu'il est mort dans un accident de voiture. Et dans les deux cas, ce peuvent être des accidents provoqués. Je vois que vous avez la même intuition que moi. Mais revenons à Susini et aux autres types qui ont été arrêtés et inculpés pour l'enlèvement et l'assassinat de Gorel. 1974 arrive. En mai, Valéry Giscard d'Estaing est élu à la présidence de la République. En octobre, tous les prévenus sont libérés. Vous voulez dire là qu'il y a une relation de cause à effet ? Je rapproche des dates, c'est tout. Ah bon ? Et je n'oublie pas qu'à l'Élysée, il y a un nouveau conseiller qui s'appelle Hubert Bassot. Un homme qui aurait pu être tenté de venir en aide à ses anciens amis de l'OAS. Pourquoi pas ? Mais le dossier n'est quand même pas enterré. Pas tout à fait, non. Mais c'est fou ce que l'instruction peut traîner. Et il faut attendre l'élection de François Mitterrand pour réveiller la justice. En février 1982, l'instruction reprend enfin. Après tout, il n'y a que 13 ans que Raymond Gorel a disparu. Et les inculpés sont toujours inculpés ? Les mêmes, oui. Ils sont 9 au total. Et parmi eux, il y a Jean-Jacques Susini. Susini qui contre-attaque, d'ailleurs. Il affirme qu'il est victime d'une machination politique et de dénonciations calomnieuses. Autre affirmation intéressante, Susini déclare qu'il savait très bien que Gorel n'était plus en possession du trésor de l'OAS. Alors pourquoi l'aurait-il fait enlever ? Bah effectivement, oui. Et l'instruction, faute d'éléments nouveaux, va se traîner encore pendant des années, malgré les pressions de la famille Gorel. Ouais. Pourtant, il y avait eu des aveux, des déclarations qui se recoupaient. D'accord, mais telle est la vérité. Et puis arrive la première cohabitation, en 1987. Tous les inculpés bénéficient d'une loi d'amnistie. Ils ne passeront jamais devant une cour d'assises. Une amnistie décidée par le nouveau pouvoir ? Oui, ouais. C'est une loi qui est votée par le Parlement. Une loi relative à certaines situations résultant des événements d'Afrique du Nord. Une loi de circonstance ? Je ne me permettrai pas de le dire. Ah bon. Alors maintenant, si vous me disiez ce qui se trouve vraiment sous cette affaire. Volontiers. Je vous l'ai laissé entendre. Comme Jean-Jacques Susini, je n'ai jamais cru à la réalité de ce trésor de l'OAS. Et Gorel, qui était par ailleurs un parfait honnête homme, même si on pouvait critiquer ses engagements, n'avait plus la clé du magot en 1968. Alors pourquoi l'a-t-on enlevé ? On le soupçonnait de détenir des informations capitales. Lesquelles ? Rappelez-vous, je ne vais pas citer de nom. Mais on a prétendu, sans être démenti d'ailleurs, qu'un important ministre du général de Gaulle avait été l'informateur de l'OAS. Oui, je crois savoir de qui vous voulez parler. Hein. Eh bien, je suis persuadé que Raymond Gorel devait posséder des informations très précises sur cette affaire. Peut-être même détenait-il des documents. Voilà ce que cherchaient ces kidnappeurs et assassins. Mais dans quel but faire chanter cet important personnage ? Non, c'est pour lui qu'il travaillait directement ou indirectement. N'oubliez pas ce que je vous ai dit tout à l'heure. Après mai 1968, on a observé d'étranges rapprochements au sein de la droite. Les ennemis d'hier se réconciliaient. Et qui mieux que d'anciens OAS pouvaient récupérer ces informations très embarrassantes détenues par l'un des leurs ? Dans un article de Libération de 1982, on laisse entendre que pour la famille Gorel, l'affaire aurait sans doute un lien avec les relations que cet important homme politique aurait autrefois entretenues avec l'OAS. Mais c'est tout. L'honnêteté m'oblige aussi à parler des arguments en faveur de Jean-Jacques Susini. Sa défense, il la prend lui-même dans un numéro du Quotidien de Paris de février 1982. En 1967, alors que j'étais encore dans la clandestinité, j'ai rencontré en effet le lieutenant-colonel Gorel, qui avait été libéré de prison. Je n'avais jamais perdu le contact avec lui, même durant mon exil en Suisse et en Italie, grâce à l'intermédiaire de son avocat. J'ai fait une déposition à ce sujet à l'époque de mon audition à la brigade criminelle en 1969. J'ai vu Gorel à son domicile au mois de juin 1967 et contrairement à ce qu'affirme son fils Jean-Marie Gorel, je n'étais pas accompagné par Hubert Bassot. Je voulais évoquer avec lui des problèmes d'unification des organisations de rapatriés. Gorel était, c'est vrai, inquiet de me voir. J'étais clandestin et il s'inquiétait à juste titre de savoir si je n'avais pas été suivi. Il m'a demandé de ne pas revenir car il croyait que la police le surveillait toujours. C'était la réaction normale, fréquente à cette époque, d'un homme qui avait eu des ennuis et qui ne tenait pas à inquiéter sa famille. Cette entrevue a été la dernière. Dès l'annonce de l'enlèvement en 1968, on fait courir le bruit que c'est moi l'instigateur. Mes accusateurs n'ont pu, jusqu'à présent, apporter la moindre preuve. Il s'agit de bruits et de rumeurs dont la police va faire ses choux gras. Deux de mes accusateurs, deux anciens responsables de l'OAS, ont affirmé aux enquêteurs « Le coupable, c'est sans doute Susini ». C'est un peu léger, ce « sans doute ». Les policiers ont constitué le dossier à partir de ce genre d'informations gratuites, ce n'est pas sérieux. Je vous retrouve samedi prochain pour un nouveau rendez-vous avec X. Merci Patrick Pénaud, à la semaine prochaine.